Alléluia. Alléluia. I bless the Lord. Je bénis le Seigneur. For allowing me to speak with you. De me permettre de parler avec vous. Regarding matters that are very critical to the kingdom of God. Concernant des choses qui sont très cruciales pour le royaume de Dieu. And also unto your faith. Et aussi pour votre foi. I don't take it for granted that the Lord has allowed me to do this here. Je ne prends pas comme admis que le Seigneur m'ait permis de faire ceci ici. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am going to visit something very critical to this dispensation. Je m'en vais visiter quelque chose de très crucial pour cette dispensation. I remember. Je me souviens. On October 26, 2008. Le 26 octobre 2008. When he again showed me the Antichrist. Quand il m'a encore montré l'Antichrist. And this time he was devouring the saints. Et à ce moment, il dévorait les saints. I want to revisit that conversation with the Lord. Je désire revisiter cette conversation avec le Seigneur. It is proper to visit this conversation with the Lord. C'est convenable de visiter cette conversation avec le Seigneur. Because it touches on the livelihood of the church. Parce qu'il touche la vie de l'Église. Alléluia. Alléluia. Again, the 26th of October. Encore, ce 26 octobre. 2008. When in a tremendous vision of the Lord God Almighty. Quand, dans une très grande vision du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. He presented the Antichrist. Il m'a présenté l'Antichrist. But I saw him devouring the saints. Mais je l'ai vu dévorant les saints. That is what I want to base this on, and even the message the Lord is speaking to the church. C'est ce que j'aimerais mettre comme base et même donner le message que le Seigneur donne à l'Église. First of all, premièrement, I don't even take it for granted. Je ne le prends pas comme admis. That the Lord is involved in the church in a non-stop conversation. Que le Seigneur soit impliqué dans l'Église dans une conversation qui ne s'arrête pas. Regarding one and one major event. Concernant un et un événement majeur. The wedding of the Lamb of God. Les noces de l'agneau de Dieu. But then I'll be examining. Mais ensuite, je vais examiner. What is the message to the church? Quel est le message pour l'Église? When the Lord presented the Antichrist. Quand le Seigneur a présenté l'Antichrist. On that October 26th. Ce 26 octobre. And before I examine that conversation, precious people. Mais avant que j'examine cette conversation, précieux peuple. I want to cover a little background. J'aimerais passer en revue un peu le passé. And so I don't want to take it for granted that you know already what I'm talking about. Et je ne désire pas le prendre pour acquis que vous savez de quoi je parle. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Where the church has entered right now. Où l'Église est entrée juste maintenant. She has never been this way before. Elle n'a jamais été sur ce chemin avant. It is a place of gravity. C'est une place sérieuse. And it's very important. Et c'est très important. That out of this. Que de cela. There will be an awakening in your Christian walk. Il va y avoir un renouveau dans votre marche chrétienne. I have shared on the rapture of the dead. J'ai partagé à propos de l'enlèvement des morts. When the Lord presented how they are going to resurrect. Quand le Seigneur a présenté comment ils allaient ressusciter. I have shared on the wedding rings in the sky. J'ai partagé à propos des anneaux de noces dans le ciel. I have also shared on the conversation regarding the clock of God in the sky. J'ai aussi partagé à propos de la conversation concernant la montre de Dieu dans le ciel. The clock that is 1 minute to midnight. La pendule qui est 1 minute avant minuit. And the deeper revelation to the church. Et la révélation plus profonde pour l'Église. And we have seen very clearly. Et nous avons vu très clairement. That the bottom line, que la ligne de fond, is that the Lord is calling for purification in the church. Et que le Seigneur appelle à la purification de l'Église. You are the church. Vous êtes l'Église. The Christian. Les chrétiens. So he's asking that you purify your Christian walk. Alors il demande que vous purifiez votre marche chrétienne. I know that the pastors hold a very important key into your Christian walk. Je sais que les pasteurs tiennent une clé très importante dans votre marche chrétienne. But time has now come. Mais maintenant le temps est venu. When even the Christians must take responsibility. Que où même les chrétiens doivent prendre leurs responsabilités. And just to summarize the background of these conversations. Et juste pour résumer le fond de cette conversation, I want to read from the book of Isaiah 26. J'aimerais lire dans le livre d'Ésaïe 26. Isaiah 26. Ésaïe 26. And then I will speak with you on the vision of 26th October. Et ensuite, je vais parler avec vous de la vision du 26 octobre. I am reading Isaiah 26, verse 19. Je lis Ésaïe 26, verset 19. He says, but your dead will live. Il dit, mais que tes morts revivent. Their bodies will rise. Que leur corps se relève. Alléluia. Alléluia. You who dwell in the dust. Vous, habitants de la poussière. Wake up and shout for joy. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Your dew is like the dew of the morning. Ta rosée est comme la rosée du matin. The earth will give birth to her dead. La terre redonnera le jour aux morts. Go, my people. Va, mon peuple. Enter your rooms. Entre dans tes chambres. And shut the doors behind you. Et ferme les portes derrière toi. For a little while. Cache-toi pour quelques instants. Until his wrath has passed by. Jusqu'à ce que sa colère soit passée. See, the Lord is coming out of his dwelling. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. To punish the people of the earth. Pour punir les crimes des habitants de la terre. For their sins. Pour leurs péchés. And he says the earth will disclose the blood shed upon her. La terre mettra le sang à nu. Elle va découvrir les effusions de sang qui sont sur elle. And she will conceal her slain no longer. Et elle ne couvrira plus les meurtres. I want to use that as a background for the message today. Je vais utiliser cela comme une base pour le message d'aujourd'hui. So you see, God was clamoring for purification. Alors vous avez vu que Dieu réclamait la purification. We all know that it has been long prophesied. Nous savons tous que ça a été prophétisé depuis longtemps. That a dispensation would arrive. Que cette dispensation allait arriver. Let me put it better. Laissez-moi le mettre mieux. That a season would have to arrive. Qu'une saison va arriver. In which there would be the mighty outpouring of the Spirit of the Lord. Où il y aura le grand déversement du Saint-Esprit du Seigneur. And the next question becomes. Et la question suivante devient. Why would God outpour His Spirit into the church? Pourquoi est-ce que Dieu déverserait son Saint-Esprit sur l'Église? We have seen in the book of Joel, chapter 2. Nous avons vu dans le livre de Joël, chapitre 2. When the Lord promised that afterward He would pour out His Spirit. Quand le Seigneur promet que en ce temps il allait déverser son Esprit. And listen to me in layman's terms. Et écoutez-moi. En termes profanes, we know that behind the throne room of God, nous savons que derrière la chambre du trône de Dieu, I know because the Lord brought me there, je le sais parce que Dieu m'a amené là, but you can also find it in the Bible, mais vous pouvez aussi le trouver dans la Bible, the river of life, c'est la rivière de la vie that flows from the throne of God, qui coule du trône de Dieu. And that river goes straight into the New Jerusalem. Et cette rivière va tout droit dans la Nouvelle Jérusalem. The home of the righteous. L'espoir des justes. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. That is the new Jerusalem. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. But if you see the book of Ezekiel 47, mais si vous regardez le livre d'Ézéchiel 47, you find a mighty visitation unto the prophet Ezekiel. Vous trouvez une très grande visitation chez le prophète Ézéchiel. Verses 1 to verse 6. Les versets 1 à 6. When the man of the Spirit, quand l'homme de l'esprit led him in that vision, le guide dans cette vision into a water, a river, dans de l'eau, dans une rivière that was ankle deep, qui allait jusqu'aux chevilles. And then, et ensuite measured of another 1,000 cubits, il a mesuré encore 1,000 coudées and led him to a river, et l'a conduit à la rivière that was deep, et il avait de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux genoux. Measured of another 1,000 cubits, et ensuite il a mesuré encore 1,000 coudées and led him to water, et l'a conduit dans les eaux that was actually waist deep, et la profondeur arrivait à la taille. Measured of another 1,000 cubits. Il a mesuré encore 1,000 coudées and led him to a river that now was overflowing, et l'a conduit dans la rivière qu'on ne pouvait maintenant traverser, and he could no longer cross it. Et c'était un torrent qu'il ne pouvait plus traverser. He could not even swim across. Il pouvait même pas traverser à la nage. And the implication here, et l'implication ici is that if he tried to sail to cross the river, que si vous essayez de dire que vous voulez traverser la rivière, to swim on that river, de nager dans cette rivière, the river would pull him in the direction of the current. La rivière vous tirera dans la direction du courant. Et c'est ce que le Seigneur désire faire avec l'Église. En ce temps, je parlais à propos de la dernière dispensation. And he's speaking to the church, et il parle à l'Église that, look, I have inbuilt into you, que, regardez, j'ai incorporé en vous an increased capacity, une capacité croissante, an increased potential, propensity, un potentiel d'augmentation, une propension, for you to receive the Holy Spirit, pour que vous aussi receviez le Saint-Esprit, and lose self more and more, et que vous vous perdiez vous-même de plus en plus, so that you can be totally consumed by the life giving spirit of God. Et comme ça, vous pouvez être totalement consumé par la vie divine de Dieu. So the Lord was essentially speaking about what is written in Galatians. Alors le Seigneur parlait essentiellement à propos de ce qui était écrit dans Galates. The bitter conflict between the flesh and the spirit. L'amer conflit entre la chair et l'esprit. That the more you defeat the flesh, que plus vous arrivez à vaincre la chair, the more you have the complete authority of the Spirit of God Almighty. Plus vous gagnez la complète autorité de l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. And so you begin to quickly understand the role of the Joel's dispensation. Et alors vous commencez à vite comprendre le rôle de la dispensation de Joël. Why he said a season will have to come. Pourquoi est-ce qu'il dit une saison va venir? When I have to pour my spirit in the church. Où je vais déverser mon esprit dans l'église. That is the process of purification in the church. Ça, c'est le procédé de purification dans l'église. Oh my Lord. Oh mon Seigneur. The purification of the church. La purification de l'église. That means. Ça signifie. It is time to spiritual growth. C'est le temps de la croissance spirituelle. Alléluia. Alléluia. Yeah. That means, ça signifie, the more you grow as a Christian, plus vous croissez en tant que chrétien, infilled by the Holy Spirit, rempli du Saint-Esprit, the more you lose self, plus vous allez vous perdre vous-même, the more you become more of the Holy Spirit, plus vous devenez rempli du Saint-Esprit. I don't want to go deeper than this. Je ne vais pas aller plus profond que cela. That's why when he showed me the black horse, c'est pourquoi il m'a montré le cheval noir. In the book of Revelation, chapter 6, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6, The vision of the black horse. La vision du cheval noir. I began to understand better. Je commence à comprendre mieux. What Revelation chapter 6 says. Ce que l'Apocalypse chapitre 6 dit. When it says even the rider of the black horse. Quand il dit que même le cavalier du cheval noir, when he is released, quand il est relâché, the voice comes from God the Father himself. La voix vient du Père lui-même. And that is tremendous because that is the third seal. Mais c'est très grand parce que c'est le troisième sceau qui est brisé. This time you hear the Father himself. Et cette fois, vous entendez le Père lui-même, and he says, et il dit, when you meet the oil, don't damage. Quand tu rencontres l'huile, ne lui fais pas de mal. When you meet the wine, don't damage. Quand tu rencontres le vin, ne lui fais pas de mal. And I began to understand, et je commence à comprendre that is you, the church, que c'est vous l'Église that is in filled with the Holy Spirit. Qui est rempli du Saint-Esprit, because the more you lose self, parce que plus vous vous perdez vous-même, the more you are close to the Holy Spirit, plus vous êtes près du Saint-Esprit. And it's tied to spiritual growth. Et c'est lié à la croissance spirituelle. Why do I bring this in? Pourquoi j'apporte ça là? Because it's very important. Parce que c'est très important that the church will understand where she is. Que l'Église comprenne où elle est. And why everything is about purification. Et pourquoi toute chose parle de purification? Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. The Lord is asking the church. Le Seigneur demande à l'Église to embrace this season. D'embrasser cette saison. Embrace the Holy Spirit. Embrassez le Saint-Esprit. And make him more central now. Et faites-le plus central maintenant. Because only the Spirit of the Lord. Parce que seul l'Esprit du Seigneur, as promised by Joel, comme il est promis par Joël, sent to the church, envoyé à l'Église, can bring the wisdom of God, peut amener la sagesse de Dieu into the church of Christ, dans l'Église de Christ. And restore the fear of the Lord. Et restaurer la crainte du Seigneur into the house of God. Dans la maison de Dieu. But listen to me, precious people. Mais écoutez-moi, précieux peuple. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. How does this relate? Comment est-ce que c'est relié to the vision of 26th October. À la vision du 26 octobre. What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? For the Lord to show me the Antichrist. Que le Seigneur me montre l'Antichrist. Let us read very slowly. Lisons très lentement. So you may understand the revelation. Alors vous pourrez comprendre la révélation. The book of Revelation, chapter 20. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Revelation 20. Apocalypse 20. We're going to read just a few passages. Nous allons lire seulement quelques versets. Now, everybody here. Maintenant, tout le monde entend. The book of Revelation, chapter 20. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. I am reading from verse 1. Je lis du verset 1. He says, il dit, and I saw an angel coming down out of heaven. Puis je vis descendre du ciel un ange having the key to a beast and holding in his hand a great chain. Qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. He sees the dragon, il saisit le dragon, that ancient serpent, le serpent ancien, who is the devil or Satan, qui est le diable et Satan, and he says, and bound him for 1,000 years. Et il dit, et il le lia pour 1,000 ans. He threw him into the abyss. Il le jeta dans l'abîme and locked and sealed it over him, et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, to keep him from deceiving the nation anymore, afin qu'il ne séduise plus les nations, until the 1,000 years were over, jusqu'à ce que les 1,000 ans soient accomplis. After that, après cela, he must be set free for a short time. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verse 4. Le verset 4. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. And I saw the souls of those who had been beheaded. because of their testimony for Jesus. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. And because of the word of God. Et à cause de la parole de Dieu. They had not worshipped the beast. Ils n'avaient pas adoré la bête. Or his image. Ni son image. And had not received his mark on their forehead. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Or their hands. Ou sur leurs mains. They came to life. Ils revinrent à la vie. And reigned with Christ for a thousand years. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Alléluia. Verse 5. Le verset 5. The rest of the dead. Les autres morts. Did not come to life. Ne revinrent point à la vie. Until a thousand years were ended. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. This is the first resurrection. C'est la première résurrection. Verse 6. Le verset 6. Blessed and holy. Heureux et saints. Are those who are part in the first resurrection. Sont ceux qui ont part à la première résurrection. The second death has no power over them. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. They will be priests of God and of Christ. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. And reign with him for a thousand years. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Why would the Lord show me the Antichrist? Mais pourquoi est-ce que le Seigneur m'a montré l'Antichrist? The purpose is this. Le dessein est ceci. That I may come and stand here. Pour que je puisse venir et me tenir là. And tell you. Et vous dire. That I have seen the Antichrist coming. Que j'ai vu l'Antichrist venir. Be careful. Attention. Be warned. Soyez sur vos gardes. Watch out. Veillez. The Antichrist. L'Antichrist. Is coming. Vient. But when does he come? Mais quand est-ce qu'il vient? We know that he's alive now. Nous savons qu'il est vivant maintenant. But when does he come? Mais quand est-ce qu'il vient? And be instituted in authority. Et qu'il soit institué en autorité. When the wedding of the Lamb of God has happened. Quand les noces de l'agneau de Dieu sont arrivées. And that's why. Et c'est pourquoi. The Lord has led me to bring this to you. Le Seigneur m'a conduit à vous amener ceci. That in the past. Que dans le passé. You may have lived your life. Vous pouvez avoir conduit votre vie. Your Christian life. Votre vie chrétienne. Casually. En passant. But now. Mais maintenant. In this Joel's dispensation. Dans cette dispensation de Joël. You cannot afford. Vous ne pouvez pas vous permettre to live a Christian life as usual. De vivre une vie chrétienne comme d'habitude. The Lord is calling for the infilling of the Holy Spirit. Le Seigneur appelle à la plénitude du Saint-Esprit. The dew of the morning. La rosée du matin. In other words, burning the midnight oil. En d'autres mots, faire brûler l'huile de minuit. That you may be awake. Pour que vous puissiez être éveillé. During this critical time. Pendant ce temps critique. Very much aware. Être très au courant. Of the consequences. Des conséquences. Of missing the wedding of the Lamb. De manquer les noces de l'agneau. Because I know I have taught this over and over again. Parce que je sais que j'ai enseigné ça encore et encore. Prepare, it is near. Préparez-vous, c'est proche. I have seen the rings. J'ai vu les anneaux. I have seen the clock. J'ai vu l'horloge. I have seen the rock of the dead. J'ai vu l'enlèvement des morts. But I have never shared with you. Mais je n'ai jamais partagé avec vous the other side of the coin. L'autre côté de la pièce. How about qu'en est-il when you miss quand vous manquez the wedding of the Lamb of God. Le mariage de l'agneau de Dieu. What happens to you? Qu'est-ce qui vous arrive? Our Lord Jesus. Notre Seigneur Jésus. He told a lot. Il a parlé beaucoup about hell. À propos de l'enfer. That they may know about hell. Pour qu'ils puissent savoir ce qu'en est de l'enfer. After knowing the gravity of hell. En sachant la gravité de l'enfer. Then they can fight to avoid going there. Alors vous pouvez essayer d'éviter d'y aller. And that is the reason, et cela est la raison, he can show me on 26th October, qu'il a pu me montrer le 26 octobre the year 2008, de l'année 2008, the Antichrist, l'Antichrist devouring the saints, dévorant les saints. Alléluia. Alléluia. What does it mean to miss the rapture? Qu'est-ce que ça signifie de manquer l'enlèvement? And the scripture we read, et l'écriture que nous avons lue, that we saw, qu'il a vu, those who had been beheaded, ceux qui ont été décapités. Let me tell you, precious people, laissez-moi vous dire, précieux peuple, this Bible, cette Bible, is the book of prophecy, est le livre des prophéties. And everything written in this book, et toutes choses qui sont écrites dans ce livre, must be fulfilled, doivent être accomplies. If he says, s'il dit, those who have been beheaded, ceux qui ont été décapités, for their testimony, pour leur témoignage, of Christ, de Christ, that means, ça signifie, after the church is taken, après que l'église a été enlevée, and the tribulation comes in, et que la tribulation commence, they are surely, ils sont sûrement, will be the beheading of the Christians, sûrement va prendre place la décapitation des chrétiens. Alléluia. Alléluia. This is critical. Ça, c'est critique. That you may understand the consequences, pour que vous puissiez comprendre les conséquences, of missing the rapture, de manquer l'enlèvement. That will help you, ça va vous aider, to embrace the Joel dispensation, à embrasser la dispensation de Joël. So you may pray for the infilling of the Holy Spirit. Alors vous pouvez solliciter la plénitude du Saint-Esprit. So you may be like the wise virgins in Matthew 25. Alors vous pourrez être comme les vierges sages de Matthieu 25. That when they received the Lord, que lorsqu'elles ont reçu le Seigneur, they embraced the Holy Spirit. Elles ont embrassé le Saint-Esprit. And the Bible calls them wise. Et la Bible les appelle sages. Let me phrase it differently. Laissez-moi le dire différemment. The Lord Jesus himself, le Seigneur Jésus lui-même, calls them wise, les appelle sages. That they are wise virgins. Quelles sont les vierges sages? Listen to me, somebody. Écoutez-moi, vous autres. The reason the church has been perpetually infant, la raison pour laquelle l'Église a été perpétuellement dans l'enfance, c'est que quelque part elle est sortie du chemin en fonctionnant sans le Saint-Esprit. Mais j'ai dit, c'était que, mais maintenant que les noces de l'agneau s'approchent, and you have heard, et vous avez entendu, that if you don't make it, que si vous le manquez, you will be beheaded, vous allez être décapité. Then what do you ought to do? Mais qu'est-ce que vous devez faire? To receive the Holy Spirit of God. Pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. I know you come to repentance meetings. Je sais que vous venez à un rassemblement de repentance. But there is something about you, mais il y a quelque chose à propos de vous, that God demands of you in this meeting, que Dieu demande de vous dans ce rassemblement. When there is an outpouring of the Holy Spirit, quand il y a un déversement du Saint-Esprit, and many people have been delivered and healed, et que beaucoup de gens ont été délivrés et guéris, I am asking, je vous demande, have you ever longed, comment est-ce que vous aspirez que le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit, qu'il vous baptise de feu, et qu'il crucifie, qu'il consume votre chair. Alors vous pouvez fonctionner avec de l'huile, comme les vierges sages, comme l'Église sage. This is the second level awakening. Ça, c'est le deuxième niveau d'attente. It is wonderful to come to this meeting. C'est merveilleux de venir à ces rassemblements, and see how people are healed, et voir comment les gens sont guéris, comment ils sont délivrés. Mais je demande, quand tout est dit et fait, êtes-vous rempli? Un des objectifs principaux pour venir ici, l'objectif le plus important, c'est que vous puissiez aspirer que en ce jour où vous venez à un rassemblement de repentance, le Dieu Tout-Puissant puisse vous remplir du Saint-Esprit. Parce que le temps est passé. Et maintenant, vous êtes au courant des conséquences de manquer l'enlèvement. Je l'ai vu. Il dévorait les saints. La Bible dit, seront décapités. Mettez votre cou là. Quelqu'un prend une hache et vous décapite. Quelle horrible scène. Aujourd'hui, telle que l'Église est, le Saint-Esprit est à disposition. Il visite ce rassemblement. Merci Seigneur. Mais après l'enlèvement, ce n'est pas seulement l'Église qui est prise, mais aussi le Saint-Esprit du Seigneur. Si maintenant vos niveaux de tolérance sont bas, si maintenant vos niveaux de tolérance pour souffrir sont très bas, très bas dans l'Église, juste maintenant, quand le Saint-Esprit est là, qu'en sera-t-il ensuite? Quand l'Esprit de la grâce sera enlevé. Est-ce que vous comprenez? Je sais. Vous avez de la joie à venir à ces rassemblements. C'est merveilleux que vous veniez. Mais il y a un second ordre, un défi. Il y a un second ordre, un réveil en cette heure. Avez-vous jamais aspiré que, Seigneur, quand ton serviteur viendra à l'autel et qu'il appelle ton esprit pour qu'il visite le champ, Seigneur, pour moi, j'aspire à être rempli. Avez-vous jamais, dans Matthieu chapitre 3, c'est une des fondations majeures de l'Évangile. Il a dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Écoutez-moi. Il dit, le feu brûle la paille. Et c'est pourquoi l'Église, vous êtes l'Église. L'Église de Christ a été pour longtemps confortable dans le péché. La plénitude du Saint-Esprit apporte avec lui le feu de Dieu. Ce feu va brûler la paille dans votre vie. Vous prendrez le pain Mettez le wheat, disons le grain, into the barn, dans la grange. Bread like bread, comme du pain. And burn the chaff, et brûle la paille. With unquenchable impurity, dans un feu qui ne s'éteint point. Listen to me. Écoutez-moi. For without holiness, car sans la sainteté, no one will see the Lord. Personne ne verra le Seigneur. I don't know how many times, je ne sais pas combien de fois, I need to read the scripture in Hebrews to you. J'ai besoin de lire cette écriture dans Hébreux pour vous. Listen to me. Écoutez-moi. That scripture, ce texte, must be fulfilled, doit être accompli. The sooner, le plus tôt, the faster, le plus rapidement, that the church, où l'Église will embrace the Joel's outpour, embrassera le déversement de Joël, the better for our future, le mieux pour son futur. I came here and I said, je suis venu là et j'ai dit, he's going to open heaven, il va ouvrir les cieux and bring an outpour, et apporter un déversement. Again, encore, I said, j'ai dit, he's going to open heaven, il va ouvrir les cieux and bring an outpour, et apporter un déversement. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. When heaven opened, quand les cieux sont ouverts and there was an outpour, et qu'il y a eu un déversement, how many, combien at that moment, en ce moment said, Lord, on dit, Seigneur, for me, this is the moment, pour moi, c'est le moment to be filled, d'être rempli. Everybody danced, tout le monde dansait. Everybody clapped, tout le monde applaudissait. How many, combien long, aspire to be filled with the Holy Spirit, d'être rempli du Saint-Esprit. And I even said I was there, et j'ai même dit, j'étais là, pray for your salvation right now, priez pour votre salut juste maintenant. I said, j'ai dit, pray for your Christian walk, priez pour votre marche chrétienne. The church, l'Église, has maintained, a maintenu a casual relationship with Jesus, une relation désinvolte avec Jésus. The church, l'Église, is you. C'est vous. The church, l'Église, you are going to miss the wedding of the Lamb. Vous allez manquer les noces de l'agneau. If you don't strive to be filled, si vous ne vous efforcez pas d'être rempli. The Bible is very clear. La Bible est très claire. It says, il dit, just ask, demandez seulement, and you will be filled, et il va vous remplir. Another way, une autre manière, go to a servant, allez vers un serviteur. By laying hands on people, Paul was able to impart the Holy Spirit on them. En imposant les mains aux gens, Paul était capable de leur impacter le Saint-Esprit. But I want to ask you, mais je désire vous demander, are you entering the kingdom of God? Est-ce que vous entrez dans le royaume de Dieu? Will you enter the wedding of the Lamb? Est-ce que vous allez entrer aux noces de l'agneau? Pictures, des photos, pictures of servants, photos de serviteurs, in your homes, dans vos foyers. Is that the way you'll get the anointing of the Holy Spirit? Est-ce que c'est la manière de recevoir l'onction du Saint-Esprit? What is wrong with the church? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église? Time has come, le temps est venu, for all of you, pour tous ceux d'entre vous, to long, d'inspirer, to crave, de solliciter, to cry for, de pleurer pour the infilling of the Holy Spirit, la plénitude du Saint-Esprit. Only the person of the Holy Spirit, seule la personne du Saint-Esprit, has the authority, a l'autorité, to prepare the radiant church, de préparer l'Église rayonnante, for the wedding of the Lamb, pour les noces de l'agneau. Only the person of the Holy Spirit, seule la personne du Saint-Esprit, can reveal the Jesus of Nazareth, peut révéler Jésus de Nazareth, can reveal the Christ, peut révéler le Christ to the church, à l'Église. Even in your lives on earth, même dans votre vie sur la terre, before you relate, avant que vous soyez en relation, or before you get married, ou bien avant que vous soyez mariés. You always want to know much about that person. Toujours vous désirez en savoir plus à propos de cette personne. No, I cannot marry her. Non, je ne peux pas l'épouser. Because I don't know much about her. Parce que je ne sais pas beaucoup à propos d'elle. Why? Pourquoi? Haven't you longed? N'avez-vous pas envie to know more about the Jesus of Nazareth? De savoir plus à propos de Jésus de Nazareth? Only the Holy Spirit. Seul le Saint-Esprit, centralized in the church, centralisé dans l'Église, can give revelation. Peut donner une révélation. Otherwise, autrement, without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, he is devouring the saints. Il dévore les saints après l'enlèvement. The Antichrist, l'Antichrist, he is devouring the saints. Il dévore les saints after the wedding of the Lamb. Après les noces de l'agneau. You try to preach Jesus. Vous essayez de prêcher Jésus. Beheading. Vous êtes décapité. It's in the Bible. C'est dans la Bible. Listen to this. Écoutez ceci. I said, et j'ai dit, that global famine, cette famine mondiale, global economic crash, cette économie qui s'est effondrée, it is here. C'est ici. How come you don't see? Comment est-ce que vous ne pouvez pas voir that prepares the earth que ceci prépare la terre for the coming of the Antichrist. À la venue de l'Antichrist? Because the Bible says, parce que la Bible dit, that there will be such a horrendous economic crisis, qu'il va y avoir quelque crise économique horrible, that he will control, qu'il va contrôler, through his false prophet, à travers son faux prophète, the rules of commerce, les règles du commerce. He will control, il contrôlera, the regulations, les régulations, for trading, du commerce. Doesn't that tell you, est-ce que ça ne vous dit pas that right now, que juste maintenant the earth is ripening, la terre est en train de mûrir for the coming of the Antichrist. Pour la venue de l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. Time is over in the church. Le temps est passé dans l'Église. Embrace the Holy Spirit. Embrassez le Saint-Esprit. He will show you everything you need. Il va vous montrer tout ce dont vous avez besoin. How to fear the Lord. Comment craindre le Seigneur? How to honor the Lord. Comment honorer le Seigneur? How to live for the Lord. Comment vivre pour le Seigneur? He will be your strength. Il veut être votre force. Your pillar. Votre pilier. Your tower of support. Votre tour de support. Even in these dark days. Même dans ces jours sombres. When people are saying, quand les gens disent that to live holy, que vivre saint, is primitive, c'est primitif, is outdated, c'est désuet, and yet only the Holy Spirit of God, et maintenant seul le Saint-Esprit de Dieu, can keep you afloat, peut vous garder à flot, in this hour, en cette heure. That means, ça signifie, the sermon must change, le sermon doit changer. The Bible, la Bible, is full of messages on the Holy Spirit. Est rempli de messages du Saint-Esprit. Give him attention. Prêtez-lui attention. Worship him. Adorez-le. Sing about him. Chantez à propos de lui. Doesn't that mean that he's longing to be worshipped? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il a envie d'être adoré? With a passion. Avec passion. Alléluia. Alléluia. Make sure you receive the Holy Spirit. Soyez sûr de recevoir le Saint-Esprit. I don't want to give you half. Je ne désire pas vous donner seulement la moitié. He is coming. Il vient. I have seen the clock. J'ai vu l'horloge. I have seen the wedding ring. J'ai vu les anneaux de noces. I have seen how the dead will rise. J'ai vu comment les morts viennent à la vie. And then, et ensuite, find that you missed. Trouvez que vous le manquez. What a shame that will be. Quelle honte ça va être. Let this be the wise church. Soyons l'Église sage. The Holy Spirit is your friend. Le Saint-Esprit est votre ami. In fact, en fait, without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, you cannot make it into the kingdom of God. vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Even the healings you see here. Même les guérisons que vous voyez ici. It is me, the Holy Spirit. C'est lui, le Saint-Esprit. That brings the healing anointing of Jesus. Qui amène l'onction de guérison de Jésus. And heals people. Et guérit les gens. Let the church go back to the Holy Spirit. Que l'Église retourne au Saint-Esprit. When you come to a repentance meeting, quand vous venez dans un rassemblement de repentance, and I walk in here, et que je marche ici, and I say, I'm going to ask the Lord, et que je dis, je vais demander au Seigneur to open heaven and send his spirit here, d'ouvrir les cieux et d'envoyer son esprit ici, at that moment, à ce moment, speak to him, parlez-lui and tell him, Lord, et dites-lui, Seigneur, when you visit here today, quand tu visites ici aujourd'hui, don't forget me. Ne m'oublie pas. For me, I long to be infilled. Parce que pour moi, j'aspire à être rempli. So I may be a spiritual being. Alors je pourrais être quelqu'un de spirituel. In the book of 1 Corinthians, dans la première épître aux Corinthiens, chapter 15, le chapitre 15, verses 50-56. Les versets 50 à 56. He says, il dit, the flesh and blood, la chair et le sang, cannot inherit the kingdom of God, n'hériteront pas le royaume de Dieu. The perishable, le périssable, cannot partake into the imperishable, ne peut pas participer à ce qui est impérissable. Cannot be a partaker of the imperishable. Ne peut pas être un participant de ce qui est impérissable. The corruptible. Ce qui est corruptible has nothing to do with the incorruptible. N'a rien à faire avec ce qui est incorruptible. Only the Holy Spirit of the Lord. Seul le Saint-Esprit du Seigneur can transform the church. Peut transformer l'Église. You are the church. Vous êtes l'Église. Then transform you. Peut vous transformer. From a physical human being, d'un être humain physique, living by the sinful desires of the flesh, vivant par les désirs pécheurs de la chair, into a spiritual being, en un être spirituel, into the image of God, à l'image de Dieu, the likeness of God, à la ressemblance de Dieu, having defeated the flesh, ayant vaincu la chair. Listen to me. Écoutez-moi. When the Spirit descended on the Lord Jesus, quand l'Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus, the Spirit of the Lord, l'Esprit du Seigneur, led him into the wilderness, l'a conduit dans le désert. That's why, c'est pourquoi, you can have difficulty in fasting, vous pouvez avoir des difficultés à jeûner, because you are not infilled, parce que vous n'êtes pas rempli. You try to fast, vous essayez de jeûner. But it becomes a warfare. Et ça devient une guerre. And yet you know that fasting draws you closer to the Lord God himself. Et encore vous savez que jeûner vous attire plus près du Seigneur Dieu lui-même. Disconnect you from the world. Ça vous déconnecte du monde. Receive the Holy Spirit. Recevez le Saint-Esprit. Those saints he showed me being devoured. Ces saints devront être dévorés by the Antichrist. Par l'Antichrist. They did not receive the Holy Spirit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. In other words, en d'autres mots, that is the foolish church. C'est l'Église folle. How can you endure? Comment pouvez-vous endurer? Even during the tribulation. Même pendant la tribulation. Right now, it's so difficult for you to endure. Quand juste maintenant, c'est si difficile pour vous d'endurer. Just your friends to reject you for your faith. Juste quand vos amis vous rejettent à cause de votre foi. And you're crying, you're almost rejecting Jesus. Et vous pleurez et vous rejetez presque Jésus. Let the church, que l'Église, return to the Holy Spirit, retourne au Saint-Esprit. The Lord said, le Seigneur a dit, it is good for me to go. C'est bien pour moi de partir. So my father may release he that he promised. Ainsi, mon Père pourra libérer celui qu'il a promis. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. If there is a most important message, s'il y a un message le plus important, it is this message. C'est ce message. Receive the Holy Spirit of the Lord. Recevez le Saint-Esprit du Seigneur. That you may see the wedding of the Lamb. pour que vous puissiez voir les noces de l'agneau. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Sing to him. Chantez pour lui. Worship him. Adorez-le. Kneel down and pray to him. Agenouillez-vous et priez-le. The Bible says, la Bible dit, he will even teach you how to approach the throne of God. Il va même vous enseigner comment approcher le trône de Dieu. How to pray. Comment prier. And that tells you, et ça vous dit, that most of the prayers of the church, que la plupart des prières dans l'église, have not reached God, n'arrivent pas à Dieu. Because they have not operated in the Holy Spirit. Parce qu'elles ne fonctionnent pas par le Saint-Esprit. Operating in the Holy Spirit, fonctionner par le Saint-Esprit, by the way, en passant, does not mean false tongues. Ne signifie pas des fausses langues. You go all over the churches here, allez partout dans les églises ici, they imitate tongues. Ils imitent les langues. Please, s'il vous plaît, they are varied gifts. Il y a plusieurs dons, varieties of the same, variés de la même variété. You may interpret dreams. Vous pouvez interpréter des rêves. You may be able to interpret tongues. Vous pouvez être capable d'interpréter des langues. Maybe you can speak in tongues. Et vous pouvez parler en langue. Don't fall on some peer pressure. Ne tombez pas sous quelque pression des autres. When you hear them talking, you try to talk like that. Quand vous les entendez parler, essayez de parler comme ça. The moment of truth has arrived. Le moment de vérité est arrivé. Let us worship in the spirit and in the truth. Adorons en esprit et en vérité. Listen to me. Écoutez-moi. The fact that Ezekiel was passed through that river, le fait qu'Ézéchiel passait à travers cette rivière, that means you have an unlimited capacity to receive the Holy Spirit. Ça signifie que vous avez une capacité illimitée de recevoir le Saint-Esprit. That means the Antichrist has no claim over your life. Ça signifie que l'Antichrist n'a pas de droit sur votre vie. Watch out. Veillez. I have seen the Antichrist coming. J'ai vu venir l'Antichrist. That means time is over for the church. Ce qui signifie que le temps est passé pour l'Église. A small window, une petite fenêtre, for you to receive the Holy Spirit, pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. And have him lead your life, et laissez-le conduire votre vie. And grow in the Spirit, et croissez dans l'Esprit. So you can attend spiritual maturity. Ça, vous pouvez atteindre une maturité spirituelle. And see the wedding of the Lamb. Et voir les noces de l'agneau. The clock I have talked about. L'horloge à propos de laquelle j'ai parlé. The rings I talked about. Les anneaux à propos desquels j'ai parlé. The rapture of the dead I talked about. L'enlèvement des morts à propos desquels j'ai parlé. The black horse I talked about. Le cheval noir à propos duquel j'ai parlé. What will you tell the Lord? Qu'est-ce que vous direz au Seigneur? I have now spoken to you. Maintenant que je vous ai parlé on the importance de l'importance of the pastors changing their sermon. Pour les pasteurs de changer leur sermon and begin preaching about the Holy Spirit. Et de commencer à prêcher à propos du Saint-Esprit. Of the Christians changing their prayers. Des chrétiens changeant leurs prières. And begin speaking with the Holy Spirit. Et qui commencent à parler avec le Saint-Esprit. I can tell you, je peux vous dire, you can develop a personal relationship with the Holy Spirit in the church. Vous pouvez développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit dans l'Église. Very personal. Très personnelle. Please. S'il vous plaît, ask him to infill you. Demandez-lui de vous remplir. Because without the Holy Spirit, parce que sans le Saint-Esprit, the church is perpetually infant. L'Église est perpétuellement un enfant. She has no future. Elle n'a pas de futur. Except the Antichrist waiting for her. Sauf que l'Antichrist l'attend. She has no wedding of the Lamb. Elle n'a pas de mariage de l'agneau. That means all the time is spent in the church. Ça signifie que tout le temps que vous passez dans l'Église, you wasted that time. Vous perdez ce temps. But blessed are you that you can hear this today. Mais béni soyez-vous, vous qui pouvez entendre ceci aujourd'hui. Being infilled, soyez rempli, has nothing to do with how many years I've been a Christian. N'a rien à faire avec combien d'années j'ai été un chrétien. Has nothing to do. N'a rien à faire with look, I have a big church. Avec regardez, j'ai une grande église. It is a very personal encounter with God Almighty. C'est une rencontre très personnelle avec le Dieu Tout-Puissant. I encourage you. Je vous encourage to speak to the Father. À parler au Père. Tell him, Lord, you promised the Holy Spirit. Dites-lui, Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit. And now I know we are living in the Joel's dispensation. Et je sais maintenant que nous vivons dans la dispensation de Joël. Please fill me. S'il te plaît, remplis-moi. Don't put me to shame. Ne permets pas que je sois honteux. May the Lord bless you. Puisse le Seigneur vous bénir. That you may be infilled with the Holy Spirit. Pour que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. That from this day on, que depuis ce jour, it may be known, ça puisse être su that I have spoken with you, que j'ai parlé avec vous on the critical importance of the Holy Spirit, de l'importance critique du Saint-Esprit in your Christian walk. Dans votre marche chrétienne. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Our God is a spirit. Notre Dieu est un esprit. And you can only worship him in the spirit. Et vous pouvez l'adorer seulement en esprit. So really you need the Holy Spirit. Alors vraiment, vous avez besoin du Saint-Esprit. If you know that you're not right with the Lord, si vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec le Seigneur, this is the moment to take him. C'est le moment de l'accepter. If you want to receive the Lord, lift up your hand. Si vous voulez recevoir le Seigneur, levez vos mains. Repeat this prayer. Répétez cette prière in two languages. En deux langues. The mighty Father in heaven, dites, puissant Père dans les cieux, today I repent. Aujourd'hui, je me repens and turn away from all sin. Et me détourne de tout péché. I receive Jesus. Je reçois Jésus into my heart. Dans mon cœur. As my Lord and Savior. Comme mon Seigneur et Sauveur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Today, aujourd'hui, I am born again. Je suis né de nouveau. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. The steps are very clear. Les pas sont très clairs. I baptize you with water for the remission of sin. Je vous baptise d'eau pour la rémission des péchés. He that comes after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. Celui qui vient après moi va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. If you know that you have not been baptized well and right in water, si vous savez que vous n'avez pas été baptisé juste et droitement dans l'eau, make sure you are baptized in a lot of water, complete water. Soyez sûr d'être baptisé dans beaucoup d'eau, dans l'eau complète. That you may give way. Que vous puissiez donner le chemin for the baptism of the Holy Spirit. Pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. May the Lord bless you. Puisse le Seigneur vous bénir. Even as you continue. Même lorsque vous continuez. In this mighty zero countdown. Dans ce puissant compte à zéro. Don't be caught up in the frenzy. Ne soyez pas pris dans la frénésie. Don't be caught up in the euphoria. Ne soyez pas pris dans l'euphorie. Emotionalism. L'émotivité. We were there, many deaf people, they heard. Nous étions là, beaucoup de gens sourds ont entendu. That is true. Even more will be healed. Ça c'est vrai, même plus vont être guéris. Even greater things will happen that have not happened. Même des plus grandes choses vont arriver qui ne sont pas arrivées. But when it's all said and done, mais quand tout a été dit et fait, having witnessed it all, avoir été témoin de tout cela, will you enter into the kingdom of God? Entrerez-vous dans le royaume de Dieu? Merci Jésus.